chest, en prison ya, bon moto nanga esprit. Mais la prophète est Mahomet, Nalambi, Nalambi, Nalambi, au fond ma voix. Non, qui va me maillot, la bande à voix à bout. Lélo, yo, bayo, kayo, na, sango, ma bé. Lélo, yo, bayo, kayo, na, sango. Lélo, yo, bayo, kayo, na, sango, ma bé. Lélo, yo, bayo, kayo, na, sango. Velasse, novela na lei. E a bombele, zola e que zola, nepa.